Et si le ciel n'était qu'un immense écran télé au travers duquel des géants nous regardaient, nous des fourmis nous affairés. Et si le ciel n'était qu'une immense paroi de verre retenant prisonnières nos amours et nos colères dans une immense fourmilière. Et le regard des géants provoquant des éclairs, cajolés, choyés par la chaleur des grands hommes. Qu'est-ce